Il est maintenant 10 heures du soir. Le bar est fermé. César, muni d'un entonnoir et d'une bouteille d'eau, arrose les carreaux déjà poudrés de sciure. Parce qu'il a fait sauter les plombs du compteur électrique, il a allumé une antique lampe à pétrole qui est posée sur une table entre les plats et les bouteilles de son dîner solitaire. On frappe au rideau de fer du bar. Qui est là ? Est-ce que c'est qui est-ce ? C'est moi ? Qui ? C'est Marius ? Marius ? C'est pas Marius ! César s'affole, tourne sur lui-même, fait tomber une chaise, court vers la cuisine et va enfin ouvrir la petite porte du rideau de fer. Marius se jette dans ses bras. Oh, oh, comment tu piques. Oh, je me suis pas rasé depuis 2 jours. Hein. Oh, tu piques pire encore dans sa vie. On t'a coupé la lumière, tu as fait faillite. Non, c'est un plan qui a sauté. Ah, bon. Il tâte les épaules et les bras de son fils. Oh, coquin, comment tu as forcé. Mais pourquoi tu es là? Dis, tu as déserté? Tu es malade? Comment, tu n'as pas lâché ma lettre? Ah, non, si, ah oui, t'es... Oui, on vient de me la donner. Bon, il n'y a pas de malheur sur toi, c'est tout naturel, je vais t'expliquer. Marius regarde la table garnie. Tu viens? Oui, j'en ai marre. J'ai faim aussi, moi. Et puis ça sent bon, hein. Oh, quitte ma pièce comme tu... Wow. Assieds-toi, mon petit, assieds-toi. Assieds-toi, Marius. Assieds-toi aussi, toi, je vais pas manger tout ton dîner. Non, non, moi je mange pas, ça passerait pas. Dis, c'était pour toi tout seul, tout ça? Oui, je l'ai cassé la croûte, oui. Oh, pardon. Je suis content, mais ça prouve que tu vas bien. Oui, oh, comme ça, comme ça. Mange, mange, mon petit, mange. Prends du pain, mange de tout. Des choses là, des pommes d'amour. Oui, oui, oui. Et puis là, t'es chaud. Raconte-moi un peu, Marie, parle-moi un peu, quoi. Parle-moi un peu, t'es bois. On va voir. Figure-toi qu'en arrivant en Sydney... Oui. Il y a à peu près 8 semaines. Oh. Mais là, nous avons des avaries assez graves.